Radio Plus, partenaire officiel de l'AFM pour le Téléthon. Après les 29 heures de direct, plus de 5 heures de best-of, interview, reportage par nos équipes de journalistes sur le terrain dans les principales villes de l'Essonne. Des invités, des artistes en live. Plus de 5 heures de best-of. Rendez-vous lundi soir à partir de 20h.